après l'hiver. Il a fait si beau ce jour-là. Dans l'air vibrait le subtil tremblement des premières chaleurs près des bois assoupis. Quelques humides vapeurs dispensaient des caresses parmi les ronceraies. Tout au fond des vallées où siègent les mystères passaient dès l'aube claire le doux câlin des brumes. Les rêves s'y traînaient sans que ne les enrhument les glaces de l'hiver aux froidures sévères. Mais les traits renaissants d'un généreux soleil dans ce matin tiède rendaient au seul bonheur de sentir sur la peau glisser, libérateur, le souffle tentateur d'un désir en éveil. Un merle émoustillé improvisait des trilles pour clamer son plaisir et chanter aux oiselles son goût immodéré de leur allure sensuelle. Et quand la création, il n'aimait plus belle fille, toi, tu étais lovée dans les draps de la couche, encore ensommeillée, mais si impatiente de m'offrir le plus beau de ce qu'offre une amante, quand revient son ardeur et que se tend sa bouche. Alors, la terre offrait cette étrange ferveur qui nous gonfle le cœur dès que revient la vie, après la pandémie qui tua les envies de rires et de chants, effaçant le bonheur.